السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، on poursuit toujours dans la lecture de ce livre Mubarak, toujours dans les piliers de l'Iman. Et là, nous allons passer à l'étape qui est celle de la foi en la mort. Cette mort, qui est une chose sur laquelle il y a unanimité chez les humains, que tout le monde est amené à mourir. La divergence qu'il y a entre nous, c'est qu'est-ce qui se passe après. Et la seule croyance authentique, c'est celle des gens de l'islam. Bien qu'également, les gens du livre croient également aux contes et certaines choses, mais ils ne croient pas en tout ce qu'il y a de façon concrète. Les seuls qui ont le savoir authentique du déroulement de la vie après la mort, ce sont les gens de l'islam, à travers le Coran et la Sunna. Yaqul fi sual al-thabi' ba'd al-mi'a, 107e question. Ma dalil al-iman bil maut. Donc quelle est la preuve de la foi en la mort? Qala ta'ala قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. Il a dit dans le sens que vous fera mourir, c'est-à-dire vous prendra vos âmes, l'ange de la mort, celui à qui cette tâche était confiée, et ensuite vous retournerez vers votre Seigneur. Al-Sajda, verset 11. Prosternation, verset 11. وقال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه. Que chaque âme goûtera à la mort et vous serez rétribué de vos récompenses le jour de la résurrection. Al-Imran, verset 185. Wa qala ta'ala linabihi sallallahu alayhi wa sallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il a dit Allah azza wa jalla à son prophète dans le sens: certes, tu es amené à mourir, ils mourront également. Az-Zumar, verset 30. Là, c'est Allah azza wa jalla qui dit ça à son prophète, qu'il avertit qu'il mourra. Wa kama ja fi hadith Ya Muhammad, ihbib man ashita fa innaka mufariquh. Il lui a dit, Allah Azza wa Jalla, dans un hadith, ô Muhammad, aime qui tu veux. En ce bas monde, tu seras amené à te séparer de lui, c'est-à-dire par la mort. Et cette mort, comme nous avons expliqué, c'est la seule chose dont nous avons la certitude, donc c'est la chose qui mérite le plus d'être préparée. Il faut la préparer, cette mort, car nous vivons pour mourir actuellement. Quand on dit nous vivons pour mourir, nous vivons pour adorer Allah Azza wa Jal, et cette adoration, l'attribution sera donnée après la mort. Donc c'est la chose la plus importante à préparer, c'est notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule occasion qui nous est donnée, c'est actuellement en cette dunya. Donc ne pas rater cette occasion-là pour des choses futiles et des choses qui ne profiteront en rien dans l'au-delà. Ceci est la priorité. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et nous n'avons accordé à aucun humain avant toi l'éternité. Si tu venais à mourir, est-ce que eux seront éternels? C'est-à-dire que si quelqu'un devait vraiment mériter l'éternité parmi les hommes, ça aurait été Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est surat al-Anbiya, les prophètes, verset 34. وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Il a dit, Allah Azza wa Jal, tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire sur la terre, est amené à disparaître et ne restera que la face de ton Seigneur. Cette face qui est pleine de noblesse. Ar-Rahman, versets 26 à 27. وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Que tout sera amené à périr hormis sa face. Les contes, verset 88. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Le vivant, c'est Allah Azza wa Jal, d'une vie parfaite, sans précédent et sans fin. Et donc cela, cette vie qui n'a pas de précédent, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, cela prouve que autre que lui n'a pas ces attributs-là. Notre vie à nous, elle a un début. C'est-à-dire qu'avant d'être vivant, nous étions néant et nous sommes amenés à mourir, bien que nous aurons une vie par la suite éternel, c'est-à-dire soit au paradis, soit en enfer, mais cette vie, elle aura des interruptions. Elle n'est pas continue. La vie d'Allah Azzawajal, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et aucune interruption. Elle est parfaite. Naam. Et autres parmi les versets qui prouvent cela. وَفِيهِ مِنِ الْأَحَادِيثِ مَا لَا يُحْصَى وَالْأَمْرَ مُشَاهِدٍ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ وَلَيْسَ فِيهِ شَكٌّ وَلَا تَرَدُّدٌ وَلَكِنْ عِنَادٌ وَاسْتِكْبَارٌ وَلَا يَعْلَمُ أَوْ يَعْمَلُ عَلَى مُوجِبِ إِيمَانِهِ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصُونَ. Donc il a dit, les hadiths également qui parlent de la mort sont indénombrables. Et on dit que même les faits attestent de cela. Que personne n'en doute, comme nous l'avons dit. Ni n'hésite. Cependant, ce n'est que de l'orgueil et de l'obstination de la part de certaines personnes. Et les seules personnes qui œuvrent en fonction justement de cette croyance de la mort sont les croyants. D'accord ? Pour ce qui se passe après la mort, comme nous l'avons dit. Les croyants sincères. ونؤمن أن كل ما من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيء. Et nous croyons que toute personne qui meurt ou qui est tuée ou autre parmi les causes de mort, tout cela est une chose qui a été décrétée, destinée, et que rien n'a été réduit de sa vie. Comme encore le Ta'ala, كلٌ يجري لأجل مسمى, que chacun avance vers un délai qui est déterminé. Le tonnerre, verset 2. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Lorsque leur délai vient, ils ne peuvent ni l'avancer ni le reculer, ne serait-ce que d'un instant. Al-A'raf. Donc cela amène justement à réfuter ces gens qui disent que un tel est parti trop tôt. Par exemple, il n'est pas parti trop tôt, il est parti à l'heure à laquelle Allah Azzawajal lui a décrété. Qu'il soit encore dans le ventre de sa mère, qu'il soit encore un bébé, qu'il soit encore en bas âge, qu'il soit encore un jeune enfant, qu'il soit encore un adolescent ou autre, quel que soit l'âge, personne ne part trop tôt. On part au moment où il faut, au moment où Allah Azzawajal l'a décrété. Et nul ne pourra repousser cette heure et ce moment-là. Et Bab al-Fa'ida, dans le Coran, Allah Azawajal, il y a une sourate dans laquelle il cite 5 fois qu'il ramène à la vie. D'accord ? Ou plutôt 5 situations dans lesquelles Allah Azawajal ramène à la vie. Dans Sourate al-Baqarah. Voyez, dans 5 passages différents, Allah Azawajal parle de la résurrection qu'il est capable de faire. La première, c'est lorsque les Banu Israël, ils ont dit « Ya Moussa, lan numina laka hatta narallah jahra » Lorsque les fils d'Israël, ils ont dit à Moussa, « Oh Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. » Et de là, Allah Azawajal les a foudroyés et ils sont morts. Puis, il les a remis à la vie et afin qu'ils remercient. Ça, c'est un. De deux, lorsque les Banu Israël avaient tué un homme, وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى يريكم آياته لعلكم تعقلون. Lorsque vous avez tué un homme, vous avez tué un homme et vous êtes querellé à propos de ça, pour savoir qui était le meurtrier, et que Allah dévoilera ce que vous cachiez, c'est-à-dire que c'était un complot qui avait été fait. Et là, après Allah Azawajal l'a dit, frapper c'est-à-dire le cadavre d'une partie de la vache. D'où la nomination de la vache pour cette sourate. Et de là, Allah Azawajal a refait vivre ce mort qui a justement dénoncé son meurtrier. Et il dit, c'est comme ça qu'Allah refait revivre les morts et vous montre ses versets, ses signes, afin que vous puissiez raisonner. Ça fait deux. Comme encore le Ta'ala, أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Lorsque vous étiez des milliers à être sortis, que Allah vous a dit de mourir, puis vous a remis à la vie. Donc ça c'était la troisième passage où Allah Azza wa Jal, dans ce même sourate, cite qui redonne la vie à la mort. وَكَذَلِكَ فِي يَدِ الرَّجُلِ كالذي مر على قرية ويخوتن على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. Alors, comme cet homme qui passait par une contrée qui était détruite, qui était complètement rasée, il a dit comment Allah va ramener cette contrée à la vie, et de là Allah le fit mourir pendant un siècle puis le ramener à la vie, Il lui a dit combien de temps? Combien de temps es-tu resté comme ça sans vie? Il a dit un jour, une partie du jour. Il lui a dit plutôt tu es resté un siècle. Et de là, Allah Azzawajal l'a remis lui à la vie ainsi que son âne qu'il avait. Wa kadhalik, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَطْمَئِنُّ قَلْبِي. Lorsque Ibrahim il a dit oh mon Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie à la mort. Il a dit est-ce que tu doutes? Il a dit non, mais pour que mon cœur s'apaise. Ça veut dire voir la chose vraiment de pleine vision, car cela raffermit encore plus, comme on dit, même si tu crois une chose, quand tu la vois, cela est encore plus impressionnant, et cela raffermit ta foi. Toi tu y crois, mais quand tu le vois, c'est encore plus incroyable. Donc de là, Allah Azzawajal lui a dit de prendre un oiseau et de le sacrifier. Et de là, Allah Azzawajal lui a dit d'éparpiller ses membres en différents endroits, puis d'appeler cet oiseau, et que cet oiseau reviendra vers lui. Cinq passages où Allah Azzawajal, dans Sourate Al-Baqarah, il cite la résurrection. Et nous, on y croit en cela, bien évidemment. وَقَالَ فِي السُّوَالِ أَثَمِنْ بَعْدِ الْمِئَةِ 108e question. مَا دَلِيلْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ أَوْ عَذَابِهِ مِنَ الْكِتَابِ. Donc il a dit, c'est quoi la preuve du châtiment, plutôt de l'épreuve de la tombe, ainsi que de ses bienfaits ou de son châtiment, dans le livre. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Dans le sens où Allah dit, et non, il ne s'agit que d'une parole qu'il prononce. D'accord? Mais il aura après la mort, justement, cette vie intermédiaire, jusqu'au jour où il sera ressuscité. Et ce barzakh, cette vie intermédiaire, c'est ce qu'il y a dans la tombe. C'est ce qu'il y a dans la tombe. Sourate les croyants, verset 100. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها عدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Parce que Allah dit que justement que les gens de Pharaon méritent le pire des châtiments, et il dit le feu, ils y seront exposés matin et soir, et le jour où leur viendra, nous dirons rentrez les gens de Pharaon au pire des châtiments. Ce qui prouve que le pire des châtiments, c'est quoi? C'est le feu éternel. Donc, et avant cela, Allah Azzawajal dit qu'ils sont exposés au feu matin et soir. Et cela est dans leur tombe. Et ce verset est le verset le plus clair qui indique justement ce châtiment de la tombe. Et ne pas y croire, cela est du kufr. Ne pas croire au châtiment de la tombe, cela est de la mécréance. Nous devons y croire obligatoirement. Son châtiment, tout comme ses délices. Ça c'est Sourate Ghafir, créateur, versets 45 à 46. Encore le Ta'ala, يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Et que Allah Azzawajal raffermit ceux qui ont cru par la parole claire en ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce verset-là concerne justement la question dans la tombe. Que Allah Azzawajal va raffermir les croyants sincères dans la tombe. Lorsqu'ils seront interrogés par les deux anges, ils répondront d'une réponse véridique et correcte qui leur permettra d'être sauvés par la suite. Sourate Ibrahim, verset 27. Encore le Ta'ala. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Et si jamais tu voyais les injustes, justement dans les affres de la mort, lorsque les anges étendront leurs mains pour leur sortir leurs âmes. Et ils diront, aujourd'hui vous serez châtiés du châtiment avilissant. Et ce châtiment-là est celui de la tombe également. Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 93. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Dans le sens où Allah dit, et que nous le châtirons. Un double châtiment. Et ensuite, ils seront ramenés au châtiment immense. Donc ce double châtiment, c'est le châtiment qu'il y a dans la tombe. At-Tawba, verset 101. Et les autres versets sont nombreux. Mais le plus clair parmi ces versets est celui du peuple de Pharaon. Ce verset-là est le plus clair, incontestable, qui nous indique clairement que dans la tombe, il y aura soit châtiment, et là le verset parle de châtiment, ou soit délice. Yaqulu fi sawal at-tasir ba'd al-mi'a. Ma dalil dhalika min as-sunnah. Donc maintenant, c'est quoi la preuve en cela de la sunnah? الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر. Donc les hadiths qui parlent de cela sont extrêmement nombreux. فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيوقدانه فيقولانه. Donc là, c'est le hadith de la personne, une fois qu'elle était enterrée, elle entend les bruits des pas des gens qui partent. Attention, ce hadith-là n'est pas une preuve pour dire que les morts ils entendent. C'est juste une preuve qui veut dire que les morts entendent certaines choses à certains moments particuliers comme celle-ci. D'accord ? Ou comme lorsque, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux morts de Badr. D'accord ? Ce sont des moments précis où Allah azza wa jalla a permis aux morts d'entendre pour une raison particulière, sans quoi les morts n'entendent pas. Donc là, ils entendront justement les bruits des sandales de leurs compagnons qui s'éloignent après leur enterrement. Et de là viendront les deux anges qui le feront asseoir dans sa tombe. Et ils diront « Ma kunta taqul fi hadha ar-rajul li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Que disais-tu à propos de cet homme qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. Quant au croyant, il dira j'atteste qu'il s'agit du messager d'Allah et de son messager. Et c'est là que ça revient au verset de tout à l'heure que Allah Azza wa Jalla a raffermi les croyants dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils vont répondre à la bonne question, à la, de la bonne réponse à fond. فيقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. Donc là il lui sera dit regarde donc ta place au feu. C'est-à-dire qu'il t'attendait si jamais tu n'avais pas répondu de la bonne réponse. Et il a dit que Allah te l'a certes changé en une place au paradis. Et là, il voit les deux endroits. La place qu'il aurait eu en enfer et la place qu'il attend au paradis. وَقَالَ قَتَادَ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْلِهِ ثُمَّ يَرَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسْ. Et ensuite, Qatada, il dit que dans sa tombe, il sera élargi. Sa tombe sera élargie d'une longueur de perte de vue. Et ensuite, il recita le hadith de Anas. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. Et après, il sera dit au munafiq et au kafir la même question. Que dis-tu au sujet de cet homme ? Il dira je ne sais pas. Ça, c'est le kafir. Et le munafiq lui dira je disais ce que les gens disaient. C'est-à-dire, ils parlaient sans science. Mais ils n'y croyaient pas, en fait. Et ça, c'est aussi un hadith qui peut montrer l'interdiction du suivi aveugle que, en religion, on doit avoir, dans ce qu'on a comme croyance, des preuves. Parler avec preuves. Et certitude. Et conviction. Et non pas répéter tout ce qu'on entend. Sans quoi, cela mènera au doute et cela mènera à la fragilité en religion. La personne deviendra fragile en religion dans sa foi. Voire même peut-être hypocrite comme ces gens-là, qui diront, je ne sais pas, les gens ont dit une chose, j'ai dit comme eux. Et donc de là, وَيُدْرَبُ بِمِتْرَاك مِنْ حَدِيثِ. Normalement c'est مِنْ حَدِيثِ, écrit hadith. دَرْبَ فَيُسِيحُ سَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا يَلِيهِ غَيْلِ الْمُثَقَّلَيْنِ. Et de là, cette personne-là sera frappée d'une massue massive, immense, qui le fera hurler à tel point que son cri sera entendu par tous, hormis les djinns et les hommes. C'est-à-dire les animaux, tous entendront le cri de cette personne frappée de la massue. Donc imaginez-vous le nombre de cris qu'ils doivent entendre à longueur de journée, surtout dans les pays de Koufar, près des cimetières, là où se passe justement l'interrogatoire. Imaginez-vous. Et ces choses-là sont des choses qui sont liées à l'invisible. D'accord ? Parce que des gens ont voulu faire les gens rationnels, dire oui, on a ouvert les tombes, on n'a rien vu. Ce sont des choses qui sont liées à l'invisible. Tu ne le verras pas de tes propres yeux. Tout comme on voit pas, tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas les djinns, tu ne vois pas ce genre de choses. Du moins, les djinns sont leur vraie apparence. Donc, on ne peut pas faire une comparaison entre la vie intermédiaire et la vie réelle. C'est comme des gens qui sont dans le rêve. Dans un rêve, tu vois des choses, tu ne les vois pas en réalité. Pourtant, tu rêves. Donc, cette argumentation, elle est absurde. Dire on a ouvert les tombes, on n'a rien vu. Mais tu n'as rien à voir, tu n'as pas à le voir. Justement, c'est ça le croyant. Ce qui croit en l'invisible, des choses qu'il ne voit pas. De à l'œil nu, en ce bas monde. Si ce n'est si Allah lui accorde parfois, par voie miraculeuse. Sans quoi ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'on y croit. Sinon, il n'y aurait aucune valeur à y croire. Si tous, on découvre ce qu'on voyait, il n'y aurait aucune valeur pour le croyant. Il n'y aurait aucune valeur, le croyant. C'est pour cela que, comme on l'a expliqué la dernière fois, parmi les signes de la fin des temps, Le dernier signe, c'est lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Là, tout le monde croira. Mais pourquoi? Parce que tout le monde verra à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils auront une valeur? Non. Car là, la chose, ça sera claire pour tout le monde. Donc, plus de valeur à ce moment-là, la Toba ne sera pas acceptée et la foi ne sera pas acceptée. Donc, c'est ça l'épreuve du croyant, c'est que Allah Azzawajal parle dans son livre ou à travers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là, on doit croire sans avoir vu. Est-ce qu'on a vu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? On n'a pas vu. On a vu les compagnons? On ne les a pas vus. Et pourtant, on y croit. Est-ce qu'on a vu le djinn al paradis? On ne l'a pas vu. On a vu le feu? On ne l'a pas vu. Pourtant, on y croit. Ces choses-là sont liées à l'invisible et c'est là qu'est la force du croyant. Non. Et il y a également le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de ces deux hommes qui étaient dans une tombe et qui sont fait châtier. Quand il a fait normal, la yu'azibane, ou la yu'azibane fi kabir, qui sont fait châtier pour, et pas grand chose. Famma hadouma fa yamshi bin namima. L'un d'entre eux marchait avec la calomnie. Wa man akhar famma kanastabiru bin al-baul. Et l'autre ne se préservait pas de l'urine. Et là, c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su par la révélation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un palmier, il l'a mis sur leur tombe afin de leur minimiser du châtiment. Mais cela n'est pas une sunna que d'aller mettre cela sur les tombes des gens. Abadan, sûrement pas. Car c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su de l'invisible, sans quoi il ne savait pas. Et en plus, aller mettre ce genre de choses sur les tombes des gens, c'est comme si on disait que les gens se font châtier alors qu'il est. On ne sait pas. Qui se fait châtier, qui ne l'est pas. Nous, on suit les signes qu'on a vu en apparant des gens. Il y a des gens, tellement c'était mauvais, on dit, lui, on craint pour lui du châtiment. Mais il se peut qu'Allah lui pardonne. Et d'autres personnes, on dit, on espère pour eux la rahma, tellement on a vu du bien d'eux. Mais on ne sait pas, il se peut qu'Allah les châtie. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur concrètement. Nous, on juge selon les actes et les indices. Mais sinon, le paradis et l'enfer, ou le châtiment de la délice, on ne peut l'affirmer pour personne, si ce n'est avec une preuve. On ne peut l'affirmer pour personne, si ce n'est qu'avec une preuve. Donc on ne va pas s'amuser à dire, ouais, c'est un hadith, c'est une sunna de mettre une feuille de palmier sur les tombes. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Ça, c'était parmi les khasaïs du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Les spécificités qu'il a eues pour ces deux personnes-là. Et les sahabas, après, ne le faisaient pas. Ils ne mettaient pas des feuilles de palmier sur les gens pour pouvoir les alléger du châtiment si jamais le subissaient. Non. Taï. Ensuite, dans un hadith de Abu Ayyub, radiallahu anhu, qu'allait kharaja al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, وقد وجبت الشمس فسمع صوته فقال يهود تعذب في قبورها. Une fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui, c'était après le Asr, il a entendu un son, et il a dit à ses compagnons, ce sont les juifs qui se font châtier dans leur tombe. Regardez, c'est encore une chose qui est liée à l'invisible. Et sachez que les koufars se font châtier eux, c'est sûr, les koufars se font châtier. Il n'y a pas de doute, on n'a pas à douter, mais on n'a pas à mettre de palmier pour qu'ils soient minimisés. Eux, il n'y a pas d'allègement pour eux. Eux, ils subissent pleinement pour ce qu'ils méritent. Et à ce moment-là, il n'y a plus de rahma pour eux. D'accord? Il n'y a plus de rahma pour eux. Ou hadith Asma, qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatiban, fa dhakara fitnat al-kabr allati yuftatanu fiha al-mar'u. فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. Et Asma, elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sermonné les gens. Et à travers ce sermon, il a cité justement l'épreuve de la tombe. Par laquelle les gens seront éprouvés. Et lorsqu'il a dit cela, les musulmans, justement, ils ont hurlé de peur. Et attention, il y a deux choses à ne pas confondre. Il y a fitnat al-kabr, wa azab al-kabr wa na'imi. Il y a l'épreuve de la tombe. Cette épreuve, tout le monde y passe. Tout le monde y passe, à part les prophètes, ainsi que les martyrs, d'accord ? Et les siddiqin, il a été dit, les siddiqoun, les véridiques. Eux seuls ne seront pas interrogés dans la tombe. C'est ce qu'on appelle fitnat al-kabr. Amma azab al-kabr wa na'im, le châtiment et le délit, ça c'est autre chose. Et cela en mesure de la personne. D'accord ? À qui Allah Azzawajal veut châtier et qui Allah Azzawajal veut gratifier. Mais attention, ce n'est pas toute personne qui est châtiée dans la tombe qui ira forcément en enfer éternellement. Ça peut être un châtiment pour expier ses fautes. Alors que celui qui aura les délices de la tombe, lui, il ira forcément au Jannah. Ne pas confondre. Un musulman croyant peut se faire châtier dans sa tombe pour des péchés qu'il aura commis en ce bas monde. D'accord? Mais par la suite, s'il était un mouahid, genre de tawhid, il ira au Jannah. Quant aux gens qui, eux, auront le délice de la tombe, eux, c'est certain, d'accord, qu'ils auront le Jannah. Non. Donc là, Yaqul fi Sawal al-Ashir Bard al-Miyah, 110e question. Ma dalil al-ba'th min al-kubur. Donc maintenant, c'est quoi la preuve qu'on sera ressuscité des tombes? Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Surat al-Baqarah, c'est ici que j'aurais dû en parler, en réalité. C'est ici que j'aurais dû en parler. Mais bon, ça va de pair avec le sujet. Donc maintenant, c'est quoi l'épreuve de la résurrection? Qala ta'ala, يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Dans le sens où Allah dit, ô vous les hommes, si jamais vous doutez justement de la résurrection, sachez que nous avons créé à partir de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un bout de chair. Afin de vous démontrer cela, c'est-à-dire cette création, ce processus dans la création, est une preuve que Allah Azawajal nous a fait venir de rien. Donc s'il nous a fait venir de rien, il peut nous ramener de rien également, une fois qu'on sera mort. Taïeb. Naam. Il est qu'olihi, ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Et ensuite, dans le même sourate, il dit cela car Allah Azza wa Jal est la vérité et qui donne la vie à la mort et qu'il est capable de toutes choses. Et que l'heure arrivera sans aucun doute et que Allah donnera la vie aux gens dans les tombes. Sourate Al-Hajj, versets 6 à 7. وقوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. Il est celui qui a commencé la création et qui la recommencera et cela lui est facile. D'accord, cela lui est facile. Al-Anbiya verset 104. وقال تعالى ويقول الانسان اذا مت لسوف يخرج حيا او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. طيب, donc l'homme dira vais-je donc être ressuscité après être mort? Après avoir connu la mort. Et dans le sens où Allah dit, et l'homme ne se rappelle-t-il donc pas que nous l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien du tout? Allah t'a créé à partir de rien. Donc il peut te remettre à la vie, comme il veut. Surat Maryam, verset 66 à 67. Donc Allah Ta'ala, أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Et que l'homme ne voit-il donc pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte, et le voilà qui devient un opposant, c'est-à-dire qui commence à contester. Et il nous donne des exemples de choses en oubliant comment elle a été créée. Et il dira, l'homme, qui donc va remettre les eaux en place alors qu'ils sont poussières, dit, leur redonnera la vie celui qui les a créé la première fois, et qu'il est omniscient de toute la création. Yassine, verset 77 à 79. Donc, dans ces versets-là, Allah Azza wa Jalla nous montre bien sa capacité à pouvoir faire cela. Naam. Et cité après de nombreux versets, mais c'est une masala, alhamdoulilah, qui est claire pour les gens, d'accord, que Allah Azza wa Jalla ramènera à la vie après la mort, et cela en vue de pouvoir nous juger. Et cela seront cela c'est lié aux questions qui viendront dans les prochains durous biznillah ta'ala. Fanaktafi bi hadzal qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.